aller en pas qu'à coûter. Moi vais danser, moi vini là pour oublier. Chaque musique qu'on a joué, ça t'a fait mon penser. Oh là ouye, oh là ouye. Chaque musique qu'on a joué, ça t'a fait mon chercher. Chaque musique, tu peux jouer.